Bonsoir, peuple de Dieu. En fait, on veut interpréter un chant qui dit simplement que Jésus est Seigneur. Nous voulons louer le nom du Seigneur. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, give a clap offering unto Jesus. Amen. Jésus est vraiment Seigneur. Hallelujah. Amen. He's really Lord. Il est vraiment Seigneur. And tonight, whatever your situation, just understand that He is Lord. Ce soir, comprenez qu'il est Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. And that is why He's prepared a special vessel tonight. C'est pourquoi il a préparé une personne spéciale ce soir. To give us His holy word. Pour nous donner sa sainte parole. The word which changes and transforms us. La parole qui change et transforme. So tonight, with a ready heart. Ce soir, avec un cœur préparé, I want us to stand up. Nous allons nous lever. And welcome to this special pulpit. Our head pastor. Notre pasteur principal. Lady Reverend Grace Irene. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Shall we pray? Prions. Just close your eyes. Fermez vos yeux. And speak to the Lord. Et parlez au Seigneur. In your own voice, in your own words. Avec vos propres mots, parlez au Seigneur. Just speak to Him tonight. Juste parlez-lui ce soir. Speak to Him about your day. Parlez-lui de votre journée. How it went. La manière à laquelle elle s'est déroulée. Speak to your Father. He's here to listen. Parlez à votre Père. Il est là pour écouter. If you are discouraged, just speak to Him. Si tu es découragé, parle-lui. If you are happy, just tell Him. Si tu es joyeux, dis-le-lui. He is your Father and He wants to hear from you. Il est ton Père et il veut t'entendre. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, I bless you and I thank you for today. Thank you, Father, for the grace to go through the day, oh God. Thank you for the challenges. Thank you for the moments of joy. Thank you above all that you have been with me. Spirit of God leading and guiding me, speaking to me. Comforting me. I thank you, Holy Spirit, that you are the same yesterday, today, and forever. Thank you that your word is forever true. I love you, Lord, and I thank you for the privilege of knowing you. Father, may your word be relevant to your people tonight. May your word touch a heart. May your word strengthen a weary soul. I bless you, Lord. Thank you for this time in your presence. You are indeed Lord over everything. We bless you and we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Amen. All right, today we're just carrying on. Aujourd'hui, nous allons juste continuer. We're talking about what? Nous parlons de quoi? How to walk worthy. Comment marcher d'une manière digne. Amen. Amen. Do you remember the verse that talks about walking worthy? Est-ce que vous vous souvenez du verset qui parle de marcher de manière digne? What verse is that? Quel est ce verset? It's what? Ephesians 4, verse 1. Thank you. Ephésiens chapitre 4, verset 1. All right. So let's look at it. Ephesians 4, verse 1. The Bible says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Amen. Amen. With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Amen. Amen. So last week we started looking at how we can walk worthy, isn't it? La semaine dernière, nous avons commencé à voir comment marcher de manière digne. How many want to walk worthy? Combien d'entre vous veulent marcher de manière digne? Okay, what does it mean to walk worthy? Qu'est-ce que ça signifie de marcher dignement? What does it mean to you personally? Qu'est-ce que ça signifie pour vous de manière personnelle, pour to toi? Walk worthy. Marcher selon la parole de Dieu. Ok. Walk worthy. Être humble. To be humble. Ok. Anybody else? Just four people. I'm not going to walk far today. Marcher en toute vérité. Ok. Marcher de façon irréprochable. marcher de façon irréprochable. I can't even say the word. What is that in English? Above reproach. Who else? Marcher selon sa valeur. Sa valeur. What does that mean? C'est-à-dire que de la manière, comment dire, c'est la manière dont Dieu nous considère, marcher de la manière dont la valeur que Dieu nous donne, on doit marcher avec en ayant. So the value God gives you, not the value you give yourself. Marcher selon la valeur que Dieu nous donne, pas celle que nous nous donnons à nous-mêmes. Ah, okay, there are three chairs. Amen. So walking in a way that reflects the value God has given you. Marcher de la manière qui reflète la valeur que Dieu nous a donnée. I think I like that version of your interpretation. Je crois que j'aime cette version. Walking in a way that reflects the value God has placed on you. Marcher d'une manière qui reflète la valeur que Dieu a placée en nous. What is the value God has placed on you? Quelle est la valeur que Dieu a placée en toi? It means how much are you worth, isn't it? Ça signifie quelle est ta valeur. Say, what is the value placed on this pen? Si je dis quelle est la valeur de ce stylo. If I say I want to sell this pen, how much will you give me? Si je dis je veux vendre ce stylo, à combien est-ce que vous allez l'acheter? The value, the amount you call is the value you have placed on the pen. Le montant que vous mentionnez est la valeur que vous avez mis sur le stylo. I will not pay 10 pesos for this pen. Moi, je n'achèterai pas ce stylo à 10 pesos. Do you know why? Vous savez pourquoi? There's no ink inside. Il n'y a plus d'encre à l'intérieur. If it was a new pen, si c'était un nouveau stylo, maybe I'll give it a higher value. Je lui donnerais une plus grande valeur. But Anatole's pen, mais le stylo d'Anatole, does not have a drop of ink. N'a même pas une goutte d'encre. I wonder how he's writing with it. Je me demande comment il fait pour écrire avec. Amen. Amen. So what is the value that God has placed on you? Alors quelle est la valeur que Dieu a placée en toi? Anybody? Y a-t-il quelqu'un? The value that God has placed in me is to be His son. To be His son. Être okay. Son fils. The value. What is the value? Nobody wants to try. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut essayer? The value that God has placed on you is the price that He's willing to pay for you. La valeur que Dieu a mise en toi, c'est le prix qu'il est prêt à payer pour toi. Maybe I'll pay 20 pesos for this pen. Je donnerai peut-être 20 pesos pour ce stylo. But that's the value I have placed on the pen. Ça, c'est la valeur que je donne au stylo. It means that's how much I'm willing to pay for it. Ça, c'est combien je suis prête à donner pour ça. Est-ce que c'est clair? The value I place on Anatole's pen, la valeur is less. Que je donne au stylo d'Anatole est moins. I think he should even give it to me free of charge. Je crois qu'il doit même me le donner gratuitement. The value God has placed on you is the price of the blood in His Son's body. I don't know how else to put it, but the value God has placed on you, Jeff, is Jesus Christ Himself. La valeur que Dieu a mise en toi, Jeff, c'est son Fils Jésus-Christ. You understand? Est-ce que it vous means comprenez? That He's willing to pay Jesus Christ for you. Ça veut dire qu'il est prêt, il est prêt à payer Jésus-Christ pour toi. If Jesus Christ was money, si Jésus-Christ était de l'argent, he will use him to buy you. Il l'utiliserait pour t'acheter. Do you understand? Est-ce que tu comprends? I think now you don't understand what I'm saying. Je crois que tu ne comprends pas. Not really. Okay, I'll break it down. If I want to buy this little pink thing in your hair, si je veux acheter cette petite chose rose sur ta tête, there has to be a price. Il doit y avoir un prix. Isn't it? N'est-ce pas? And if you tell me that it costs 10 Ghana cedis. Et si tu me dis que ça coûte 10 Ghana cedis? I may think that it's not worth 10 Ghana cedis. Je pourrais penser que ça ne vaut pas 10 Ghana cedis. So I'm not ready to pay that price. Alors je suis pas prête à payer ce prix. So the value I place on it is not up to 10 Ghana cedis. Donc la valeur que je place sur la chose n'atteint pas 10 Ghana cedis. But then I may say, oh, it's very nice. I like it. Je pourrais dire, oh, c'est très joli, j'aime ça. Take 10 Ghana cedis and give it to me. Prends 10 Ghana cedis et donne-moi ça. So that means the value I have placed on it is. When you go to the market, quand vous allez au marché, and they give you a price, et on vous donne un prix, you give them the money. Vous leur donnez de l'argent. It means you accept the value they have placed on it. Ça veut dire que vous acceptez la valeur qu'ils ont mis dessus. Is it clear? Est-ce clair? Yes, so I'm saying that you, as an individual, alors je dis toi en tant qu'individu. It's been a long time. Ça fait longtemps. You don't make samosa anymore. The value that God has placed on you, your life. La valeur que Dieu met en toi, que Dieu te donne, is His Son. C'est son fils. It means that to be able to get you grâce, c'est-à-dire que pour t'obtenir grâce, he's ready to pay the price of his son's life. Il est prêt à payer le prix de donner la vie so de son fils. That is the value that God has placed on you. Ça c'est la valeur que Dieu te donne. Is it a bit clearer now? Est-ce que c'est plus clair? Okay. So we are saying that to walk worthy, nous disons que pour marcher de manière digne, we are walking in a way, nous marchons d'une that manière reflect qui reflète the value, la valeur God has placed on your life, que Dieu a mise sur ta vie. I think that's the message. You have preached my message for me. It's too powerful. Je crois que c'est le message. Amen. Amen. But how many of us are walking worthy? Combien d'entre nous marchent de manière digne? The problem is we don't see ourselves as God sees us. Le problème, c'est que nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit. We don't see ourselves as being worthy. I may see myself as tempestuous. Je peux peut-être me voir comme and somebody will see me as 10 CDs. Et quelqu'un peut me voir comme 10 CDs. But God sees me as the price of His Son Jesus Christ. Mais Dieu me voit comme le prix de la vie de son Fils, Jésus. Amen. Amen. Yeah. So if everybody has a different price for you, everybody has a different price for you. Tout le monde a un prix différent pour vous. Whose price will you believe? Quel est le prix auquel vous allez vous fier? The highest. Le plus grand. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And there are ways in which we can walk that will reflect how much we value ourselves. Il y a des manières par lesquelles nous devons marcher pour refléter la valeur que nous nous donnons. If you walk as a prostitute, si tu marches comme une prostituée, you have placed the value of your life at I don't know how much it is these days. Tu as mis la valeur de ta vie à je ne sais combien ça coûte de nos it jours. It depends. Ça dépend. If you stand at circle, si tu te tiens à cercle, it's one price. C'est un prix. If you stand at cantonment, si tu te tiens à cantonment, it's a different price. C'est un prix différent. And if you do hotel to hotel, si tu vas d'hôtel à hôtel, it's even higher. C'est encore plus haut. Amen. Amen. So the value that you've placed on your life will show by how you use your life. La valeur que tu donnes à ta vie se reflète par la manière laquelle tu l'utilises. Amen. Amen. If you use your life to sow confusion, si tu utilises ta vie pour semer la confusion, it means that you don't really value your life. Ça signifie que tu ne valorises pas vraiment ta vie. Amen. Amen. Your name is worth nothing. Ton nom ne vaut rien. You say that, Peter said he'll give me 10 Ghana cedis. Tu dis, oh, Pierre a dit qu'il va me donner 10 Ghana cedis. Peter, which Peter? Pierre, quel Pierre? That Peter. Ce Pierre. Don't mind him. Ne t'occupe pas de lui. It means that your name is worth nothing. Ça veut dire que ton nom ne vaut rien. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? But the Bible tells us that we must walk in a manner. La Bible dit que nous devons marcher d'une manière that is worthy of the calling. Qui est digne de l'appel with which you have been called. Qui nous a été fait. God has called us. Dieu nous a appelés. And has placed a certain value on us. Et il nous a donné une certaine valeur. We must walk in a manner that's worthy. Nous devons marcher d'une manière digne of that call. Okay. De cet appel. Let's get back to the word. Last week we saw that to walk worthy. La semaine passée nous avons vu que pour marcher de manière digne. You must walk with humility. Numéro 1, nous devons marcher avec humilité. Do you remember? Est-ce que vous vous en souvenez? If you are not humble, si vous n'êtes pas humble, you cannot walk in a manner that's worthy. Vous ne pouvez pas marcher de manière digne. Because the Bible tells us that God hates pride and proud people. Parce que la Bible nous dit que Dieu a horreur des orgueilleux et de l'orgueil. He hates it. Il a horreur. There's not many things that God hates, but one of the things he hates is pride. Il n'y a pas beaucoup de choses que Dieu déteste, mais l'une des choses, c'est l'orgueil. Amen. Amen. So if you are proud, alors si vous êtes orgueilleux, God does not like you. Dieu ne vous aime pas. And you will not please him. Et vous ne le serez pas. And you cannot walk worthy. Et vous ne pouvez pas marcher de manière digne. Hallelujah. Hallelujah. We have to walk in all humility. Nous devons marcher en toute humilité. If you don't know whether you are proud or not, si vous ne savez pas si vous êtes orgueilleux ou pas, buy last week's message. Achetez le message de la semaine dernière. I cannot go back into it. Je ne veux pas y retourner. The next one, we talked about what? Le point suivant. Gentleness. La douceur. Gentleness. La douceur. And we said last week that some of us women, we are too hard. La semaine dernière, on a dit que certains d'entre nous, les femmes, sommes like trop men. Durs. Nous sommes comme les hommes. We are like men. Nous sommes comme les hommes. In our way of behaving. Dans notre manière de nous comporter. In our way of talking. Dans notre manière de parler. We are not gentle. We are nous not ne sommes soft. Pas douces. Nous ne sommes pas tendres. When a man is looking for a wife, quand un homme cherche une femme, I believe he's looking for somebody soft. Je crois qu'il cherche quelqu'un de tendre. That he can find comfort in. Avec qui il peut trouver du confort. Bible says when a man finds a wife, he finds a good thing. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. Amen. Amen. Somebody who will do him good. Quelqu'un qui lui fera du bien. And I'm sure that he does not want somebody who is like him. Je suis sûr qu'il ne recherche pas quelqu'un qui est comme lui. Another man. Un autre homme. Who is hard like him. Qui est aussi dur que lui. Gentleness, gentleness, gentleness. La douceur, la douceur. It means the way you speak. Votre manière de parler. You can even quarrel, but in a gentle way. Vous pouvez même vous quereller, mais de manière douce. Some of you, even your good morning is like a quarrel. Certains de vous, même votre bonjour est comme une querelle. When you say good morning, it's as if you are ready to fight. Quand vous dites bonjour, c'est comme si vous étiez prêt à vous battre. Some of you need to learn how to smile. Certains d'entre vous, les hommes, vous devez apprendre comment sourire. And how to be nice. Comment être gentil. I've told you how to learn how to smile, isn't it? Je vous ai dit comment il faut apprendre à sourire. Stand in front of a mirror. Mettez-vous devant un miroir. Et souriez. Practice all the different types of smiles. Et essayez de pratiquer tous les genres de sourire. Hallelujah. Hallelujah. But you must learn to be gentle. Vous devez apprendre à être doux. The Bible says a gentle answer turns away wrath. La Bible dit qu'une réponse douce détourne la colère. Amen. Amen. If somebody comes to you very angry, very angry, very angry, and you say, "Oh, I'm sorry," the person doesn't know whether to continue or to stop. I mean, si quelqu'un vient vers vous très fâché, vous dites, "Oh, je suis désolé," la personne ne saura pas s'il faut continuer dans la colère ou juste se calmer. And you say, "So what?" Then you see that it's going to be a fight. Si la personne vient en toute colère et que vous aussi vous énervez, vous verrez qu'il va vous finirez par vous battre. Amen. Amen. So we must learn to be gentle. Nous devons apprendre à être doux afin de faire plaisir à Dieu. Somebody annoys you. Quelqu'un t'énerve. You don't respond with anger and fighting. Tu ne réponds pas avec la colère et. You don't say that, "Oh, Dave, the last time you were talking to me, I didn't understand why you were shouting at me." Tu dis, "Oh, Dave, la dernière fois que tu me parlais, j'ai pas compris pourquoi tu me criais dessus." Is there a problem? Y a-t-il un problème? He will be obliged to be gentle in return. Il sera obligé d'être doux en retour. But if I go to say, "Dave, next time you talk to me like that, you will see what I'll do to you." Si je vais vers lui et je dis, "Dave, la prochaine fois que tu me parles, immediately he will stand up. Tu verras, il va se lever. So that we'll be eye to eye. Afin que nous soyons à la même taille. But we need to learn gentleness if we are to please God. Nous devons apprendre la douceur si nous voulons être agréables à Dieu. Amen. Amen. Gentleness. La douceur. You don't have to shout to get what you want. Vous n'avez pas besoin de crier pour obtenir ce que vous voulez. You don't have to slap somebody to get what you want. Vous n'avez pas besoin de gifler quelqu'un pour obtenir you ce que vous voulez. You will do what I say. You will do what I say. Tu feras ce que j'ai dit. Tu feras ce que j'ai dit. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Especially you men. They say you are the head. On dit que vous êtes la tête. you are the head, it doesn't mean you should shout at me. Si tu es la tête, ça veut pas dire que tu dois me crier dessus. You came and your food is not ready. So why are you shouting? Tu es venu, ton repas n'est pas prêt. Alors pourquoi tu cries? You are hungry. Tu es fâché. But tu I know faim. You are hungry. I'll give je you sais food. Que tu as faim, je te donnerai but à manger. If you shout at me, will it make your food come faster? Si tu me cries dessus, est-ce que ta nourriture viendra plus tôt, plus vite? If you shout at me, I'll put salt in your food. Si tu me cries dessus, je mettrai du sel dans ta nourriture. I'll put more salt in your food. Je mettrai plus de sel dans ta nourriture. Yeah. So you talk to me nicely. Parle-moi gentiment. And you see, the next time you come home, your food will be ready on time. Et la prochaine fois que tu viendras à la maison, ton repas sera prêt à l'heure. Nice. Et ça sera bon. Some of us have to learn gentleness. Certains d'entre nous, nous devons apprendre la douceur. You didn't grow up with gentleness in your house. Vous n'avez pas grandi avec la douceur dans vos maisons. You grew up with fighting. Vous avez grandi avec des bagarres. When your father is coming, then your mother say, "Hey, he's coming." Quand ton papa arrive, ta maman dit, "Hein, il arrive, hein." And between he too, by the time he's coming, he says, "Ah, that woman is there. That woman is there." Lui aussi, quand il revient, il dit, "Hein, cette femme est là, cette femme est là." And so there's already tension even before the door opens. Il y a même déjà la tension avant que la porte ne s'ouvre. And that's how you grew up. C'est comme ça que vous avez grandi. So you didn't learn it. Tu n'as pas appris ça. But it's never too late. Et il n'est jamais trop tard. Amen. Amen. If you want to walk worthy, si tu veux marcher de manière digne, hallelujah, hallelujah, you must walk with gentleness. Tu dois marcher avec douceur. Amen. Amen. Be gentle. Sois, tell your neighbor, be gentle with me. Dis à ton voisin, sois doux avec moi. The next one, did I give you? Le point suivant. Did I give you? With patience. Let's look at it. Ephesians 4. La patience. Ephésiens chapitre 4. Amen. I'm reading from the NASB. New American Standard. Verse 2. With all humility and gentleness, with patience. Amen. En toute humilité et douceur, avec patience. Patience means go slowly. La patience dit, vas-y doucement. Prends ton temps. Take your time. Prends ton temps. Take your time. Prends ton temps. Don't rush. To get anything in this life. Ne te précipite pas pour obtenir quoi que ce soit dans cette vie. Amen. Amen. Don't rush to get anything in it. To get married, you are rushing. Pour te marier, tu te précipites. Lord, now. Seigneur, maintenant. I want a husband now. Je veux un mari maintenant. When you are in a hurry, quand tu es pressé, you would be forced to do something that you wouldn't do normally. Tu seras obligé de faire des choses que tu ne ferais pas de manière normale. First of all, you will be ready to accept anybody that comes along. Tu seras prête à accepter toute personne qui vient sur ton chemin. Anybody. Toute personne. As long as he's wearing trousers. Aussi longtemps qu'il porte un pantalon. The only criteria you need is that he's wearing trousers. Le seul critère dont tu as besoin, c'est qu'il porte un pantalon. You are in a hurry. Tu es pressé. Tell your neighbor, take your time. Dis à ton voisin, prends ton temps. Anything that is worth getting, toute chose qui a de la valeur, takes time. Prends du temps. Amen. Amen. If you go to a restaurant, si tu vas dans un restaurant, and you have a menu, et tu as un menu, the food is generally different from the buffet. La nourriture est généralement différente du buffet. And most of the time, it's even nicer. La plupart du temps, c'est même meilleur. But it takes time to get it. Mais ça prend du temps pour l'obtenir. Because the chef now has to go and prepare. Parce que le chef doit aller préparer. It's fresh. If you go to a good restaurant, I'm not talking vous allez about dans papaya, un bon restaurant. But if you go to a fast food restaurant, si vous allez dans un fast food, you just get what they give you. Vous obtiendrez seulement ce qu'ils vous donnent. You can't change it. Vous ne pouvez pas changer ça. Whether it's burnt, it's too salty. Que ça soit brûlé ou trop salé. When you open your papaya, they're giving you the wing. Quand vous ouvrez votre paquet de papaya, ils vous donnent and une aile. And you wanted the thigh. Alors que vous vouliez la cuisse. You can't just go back and say, "Oh, please." Vous pouvez pas juste retourner et dire, "Oh, s'il vous plaît." Make you change that. Changez ça. Amen. Amen. But with patience. Avec patience. Take time. Invest. Investissez. In a relationship. Dans une relation. And you'll get a good result. Et vous aurez de bons résultats. Some of you are in a rush to be in a relationship. Certains d'entre vous, vous êtes pressés d'être dans une relation. And because you are in a rush, et parce que vous êtes pressés, you fall on somebody who doesn't really like you. Vous allez tomber sur quelqu'un qui ne vous aime pas vraiment. He doesn't like you, but he likes what he can get from you. Il ne t'aime pas, mais il aime ce qu'il peut obtenir de toi. Yeah. That is why when you are going out, he says, don't tell anybody we are together. And you just... C'est la raison pour laquelle quand vous sortez, il te dit, ne dis à personne que nous sommes ensemble. Don't tell anybody this. It's not time. Oh, we are just studying one another. So you nous, take it easy. Take nous it nous easy. Étudions seulement. Alors calme-toi, calme-toi. A boy who doesn't want to be identified with you, my sister, he doesn't like you. Un garçon qui ne veut pas être identifié avec toi, ma sœur, il ne t'aime pas. You end up with somebody who slaps you. Tu vas finir avec quelqu'un qui te gifle. Because you are in a hurry. Parce que tu es pressé. If you were patient, no, I'm saying something very important. If you were patient, si tu avais été patient, you would have seen the signs. Tu aurais vu les signes. This guy, ce gars, when he gets angry, I see his hand is always moving. Quand il s'énerve, c'est comme si sa main. It's as if he's trying to control something. C'est comme s'il essaie de contrôler quelque chose. The signs were there. Les signes étaient là. When he gets angry, he holds a glass and it breaks. Quand il s'énerve, il attrape un verre et ça se casse. When he's angry, his eyes become red. Quand il est en colère, ses yeux deviennent rouges. When he's angry with the torture mate, quand il est en colère avec un mate, he explodes. Il explose. All these things are signs. Toutes ces choses sont des signes. But because we are not patient, et parce que nous ne sommes pas patients, we say to ourselves, oh, he's angry with the others, he will not be angry with me. Nous nous because disons, he oh, loves me. Il se met en colère avec les autres, il ne se mettra pas en colère envers moi parce qu'il m'aime. Because you're not patient, parce que tu n'es pas patient, you won't see the signs. Je ne verrai pas les signes. You see the signs. Tu ne verras pas les signes. You're not patient, so you won't see that your little girl that you say you like as you're watching her. Tu n'es pas patient. C'est la raison pour laquelle cette petite you fille que tu dis that que tu aimes. You would not notice that she's also being watched by a lot of other men. Tu ne remarqueras pas qu'elle est aussi en train d'être observée par d'autres hommes. You are not patient to see what sort of person she is. Tu n'es pas patient pour voir le genre de personne qu'elle est. You are just. Bewitched. Tu es juste ensorcelé. By her beauty. Par sa beauté. That you don't take time to get to know who the person is. De telle enceinte que tu ne prends même pas du temps pour savoir de quel genre de personne when il s'agit. She's walking as if. Quand elle marche, she's on the clouds. C'est comme si elle était sur les nuages. And you don't know that if you provoke her small like this. Et tu ne sais pas que si tu la provoques juste un peu comme ça, she will become. Elle va devenir. Catwoman, eh? Catwoman. La femme chat. She will become another person completely. Elle va devenir une autre personne. When she opens her mouth and you think, oh, her mouth is so nice. Quand elle ouvre sa bouche, tu dis, oh, sa bouche est tellement jolie. She'll be nice to kiss. Elle serait bien embrassée. And you don't know that when she opens her mouth, the insults. Insults. Tu ne sais pas que quand elle ouvre sa bouche, les injures. Hey! Have you ever seen a woman who can insult before? Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui s'est insultée? Patience. La patience. Patience. La patience. Du temps. The Bible says, listen to me. The Bible says, are you listening to me? The Bible says that it's by their fruits that you will know them. La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. And a fruit takes time. Et les fruits prennent du temps. You don't plant a tree today and see the fruits. Vous ne plantez pas un arbre aujourd'hui et vous voyez en même temps les fruits. It takes time. Ça prend du temps. First of all, the seedling has to take. It has to start growing. Premièrement, la semence doit commencer à grandir. Then you see it growing, growing, growing. With time, you see the tree. Et après, vous la voyez coming, grandir, but you still won't see the fruits. Vous verrez l'arbre, mais vous ne verrez pas encore les fruits. So you cannot just say that, ah, this thing is useless. It's not giving me fruits. Vous ne pouvez pas dire, oh, cette chose est inutile, elle ne me donne aucun fruit. You have to take your time. Vous devez prendre votre temps. Water it. Arroser ça. Make sure the soil is good. Vous rassurez que le sol est bon. With time, avec du temps, you will grow the fruits that you are looking for. Vous allez faire croître les fruits que vous cherchez. In a relationship, dans une relation, you need patience. Vous avez besoin de patience. Amen. Amen. Patience to talk to the person. La patience pour parler avec la personne. Patience to get to know the person. La patience pour apprendre à connaître la personne. Patience to learn to appreciate the person. La patience pour apprendre à apprécier patience la personne. Patience to see the person's faults. De la patience pour voir les fautes de la personne. Patience to see if you can live with those faults. De la patience pour voir si vous pouvez vivre avec ces fautes. Patience. De la patience. Patience. De la patience. Some of you, you will get married and within a month you say I want to divorce. Certains de vous allez vous marier et après un mois vous direz je veux divorcer. No patience. Pas de patience. No patience. You don't take time to get to know the person before you marry. Vous ne prenez pas du temps de connaître la personne avant le mariage. No, I knew him all. Vous dites, I oh, je him, le connaissais. But he has changed. Il a changé. He has not changed. Il n'a pas changé. He has not changed. It's Il now n'a that pas you changé. Are seeing the truth. C'est maintenant que tu commences à voir la vérité. Yeah. Patience. De la patience. Get to know one another properly. Apprendre à bien vous connaître l'un Appreciate l'autre. One another. Vous appréciez l'un l'autre. See the good side and the bad side. Voir les bons côtés et les mauvais côtés. And decide. Et décider. Can I live with this? Est-ce que je peux vivre avec ça? Then you go ahead, or you turn back. Alors vous continuez ou vous retournez. Whichever one. Quel que soit votre choix. Amen. Amen. I'm talking about patience. Je parle de la patience. Hallelujah. Hallelujah. Even in ministry. Même dans le ministère. You have to be patient. Vous devez être patient. You will not learn how to preach in a day. Vous n'apprendrez pas à prêcher en you un jour. Learn how to teach in a day. Vous n'apprendrez pas à enseigner en un jour. Some of you sing very well, but you don't know how to minister. Certains d'entre vous chantez très bien, mais vous ne savez pas administrer. Singing is different from ministry. Chanter est différent d'administrer. Amen. Amen. But with patience. Mais avec la patience. And with time. Et avec du temps. You can learn it. Vous pouvez l'apprendre. If you want to. Et si vous voulez. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We're moving on. Nous avançons. Number four. Numéro 4. Showing what? Tolerance for one another. Vous supportant les uns les autres. Showing tolerance. Faire preuve de tolérance envers les autres. Tolerance. De la tolérance. Tolerance. La tolérance. From you can be tolerant only if you are patient. Vous pouvez être tolérant seulement si vous êtes patient. To tolerate others. Pour tolérer les autres. Some of you, you are so exigeant. What's the word in English? You are so demanding. Certains d'entre vous êtes tellement exigeants that nobody can satisfy. Que personne ne peut vous faire plaisir. Your requirements in this life. Personne ne peut répondre à vos attentes dans cette vie. You'll be a very difficult person to marry. Vous serez une personne très difficile à épouser. Especially the melancholics. Spécialement les mélancoliques. Very difficult. Très difficile. Very, very difficult to live with. Très difficile à. You are quick to judge. Vous jugez vite. Quick to point fingers. Vous pointez quick vite to du doigt. Blame. Vous accusez vite. You are not tolerant. Vous n'êtes pas tolérant. Amen. Amen. We need to learn how to tolerate one another. Vous devez apprendre à supporter Give les one autres. Another a little space. Donner un peu d'espace a little aux room autres. For mistakes. Donner un peu d'espace pour les Because erreurs. We are all human beings. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Amen. Amen. Some of you have criticized pastors so much that certains d'entre vous avez tellement critiqué les pasteurs que you find it even difficult to receive a word. C'est difficile pour vous maintenant de recevoir la parole. Because you have criticized so much. Parce que vous avez tellement critiqué. It's difficult for you to appreciate even if there is a good pastor. C'est difficile pour vous d'apprécier même s'il y a un bon pasteur. But it's because you have not been able to tolerate. C'est parce que vous n'avez pas été capable de the errors coming from pastors. De tolérer les erreurs venant des pasteurs. Or the errors coming from fellow Christians. Ou les erreurs venant des autres chrétiens. We are very quick to judge fellow Christians. Vous jugez vite les autres chrétiens. Ah, I was sick and they didn't come. And then I thought Christians would be different. J'étais malade et ils ne sont pas venus. Je me disais que les chrétiens seraient différents. When I had a problem, they were talking. I thought Christians would be different. Quand j'avais un problème, ils parlaient. Je pensais que les chrétiens seraient différents. We are not different from you. Nous ne sommes pas différents de toi. We are not different from you. Nous ne sommes pas différents de toi. We are just like you. Nous sommes juste comme toi. But you have a very short tolerance level for Christians. Mais tu as juste un petit niveau de tolérance pour un chrétien. You have to learn to be tolerant. Tu dois apprendre à être tolérant. Amen. Amen. But having said that, some of us too, we abuse the tolerance. Et après avoir dit cela, certains d'entre nous aussi nous abusons de la tolérance. We have given you one chance. Nous vous avons donné two chances, une chance. Three chances. Deuxième chance. At a point, at one moment, at one point. À un certain moment, the tolerance will be finished. La tolérance va finir. And we have to take decisions. Et nous devons prendre des décisions. Amen. Amen. So, oh, but Lady Pastor, you preached about tolerance. Yes, I have tolerated your nonsense for long enough. Lady Pastor, tu as prêché sur la tolérance, c'est vrai, mais j'ai supporté tes erreurs pendant trop longtemps. I have supported nonsense, tolerated nonsense for a long time. J'ai toléré les bêtises pendant trop longtemps. So tolerance is good. La tolérance est bien. But at a point. Mais à un certain moment. There will be no tolerance. Il n'y aura plus de tolérance. Amen. Amen. Especially if what you are doing is going to destroy the church we are trying to build. En particulier si ce que tu fais est en train de détruire l'église que nous essayons de bâtir. Amen. Amen. Next one. Le point suivant. To preserve, being diligent, number, showing tolerance for one another in love. Verse 3. Being diligent to preserve the unity of the Spirit. To preserve the unity. So to walk worthy, you must preserve unity. Pour marcher de manière digne, vous devez conserver l'unité. Amen. Amen. Don't decide to be the one who brings confusion and division all the time. Ne décide pas d'être la personne qui va toujours emmener la confusion et la division there's tout le temps. Always controversy about you. Il y a toujours des controverses te concernant. If there's a problem, it means that your name will come up. S'il y a un problème, ça signifie que ton nom sortira. What kind of person are you? Quel genre de personne es-tu? Instead of preserving unity, you are creating discord and disunity. Au lieu de conserver l'unité, tu crées la discorde et la division. Preservation of unity. Préserver l'unité. Loving one another. Vous aimez les uns les autres. Helping one another. Vous aidez les uns les autres. The Bible says that if you want to correct somebody, correct the person in love. La Bible dit que si tu veux corriger quelqu'un, corrige la personne en amour. But you, your correction. Mais toi, ta correction, is to destroy the person. C'est pour détruire la personne. You come and bring stories. Tu apportes des histoires. Half the story is true, but you've left out the other half of the story that concerns you. Tu apportes des histoires. La moitié de l'histoire est vraie, mais tu as laissé l'autre partie de l'histoire qui te concerne. So that we think that, oh, this person is a good person. He's very loyal. Afin qu'on dise, oh, cette personne est une bonne personne. Elle est vraiment loyale. Not knowing that you have intentionally withheld part of the information. Ne sachant pas que tu as intentionnellement gardé une partie des informations. And your aim, in the end, is just to create this unity. Et ton objectif, à la fin, c'est juste de créer la division. I don't trust you. You don't trust her. Le manque she de doesn't confiance. Trust him. He doesn't trust her. Only je ne te fais pas confiance. You didn't add the whole story. Juste parce que tu n'as pas donné toute l'histoire. Amen. Amen. Unity. L'unité. The next one. Le point suivant. To preserve the unity of the spirit in the bond of peace. Conserver l'unité peace. De l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Peace in the church. La paix dans l'église. We are walking worthy. Nous marchons d'une manière digne. If you are somebody who is always creating quarrels. Si tu es quelqu'un qui crée toujours des querelles. Because of you, this one doesn't talk to this one. À cause de toi, telle personne ne parle pas à telle autre. Because of you, somebody wants to defend you. So because of that, he doesn't talk to his brother again. Quelqu'un voulait te défendre à cause de toi, la personne ne parle plus à son frère. I don't know if you're understanding what I'm saying. Je ne sais pas si vous comprenez. But there are some people, il y a des personnes who have made it their ambition in life, qui ont fait de ça leur ambition dans la vie, to destroy lives, de détruire les vies, just to preserve themselves, juste pour se préserver eux-mêmes. They don't care, ils s'en foutent, what happens to your other relationships, de ce qui arrive à vos autres relations, as long as me, I'm preserved, aussi longtemps qu'ils sont préservés, as long as I am taken care of, aussi longtemps que je prends soin de moi, as long as me, what concerns me is okay. Aussi longtemps que ce qui me concerne va, ça marche. I don't care about the consequences of everybody else. Je me fiche des conséquences des autres. There are people like that. Il y a des personnes comme ça. Whether consciously or unconsciously. Consciemment ou inconsciemment. Their actions show that they just care about themselves. Leurs actions montrent qu'ils se soucient seulement d'eux-mêmes. Just concerned about me. Je me soucie seulement de moi. If in the process, si dans le processus, 10 people fall, 10 personnes tombent, 10 people leave the church, 10 personnes quittent l'église, 10 people are confused, 10 personnes sont confuses, 10 people are disappointed, 10 personnes sont déçues. Whether consciously or unconsciously, consciemment ou inconsciemment, as long as I am okay, aussi longtemps que ça va pour moi, as long as I don't have any issues, aussi longtemps que je n'ai pas de problème, I don't care. Je m'en fous. That's the type of Christian we have in church. Ça c'est le genre de chrétien que nous avons à l'église. Who are not concerned about walking in unity. Ceux qui ne se soucient pas de marcher dans l'unité. Who are not concerned about preserving the peace. Ceux qui ne se soucient pas de conserver la paix. Who are not concerned about others in the church. Qui ne se soucient pas des autres dans l'église. Yeah. That's why we do things and we don't care about the consequences. C'est la raison pour laquelle nous faisons des choses et nous ne nous soucions pas des conséquences. We say things, we don't care about the consequences. Nous disons des choses et nous nous fichons des conséquences. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? The unity of the spirit. L'unité de la paix, de l'esprit. Nous devons rechercher la paix. Follow peace. La Bible dit que nous look devons rechercher la paix with all men. Avec tous les hommes. Peace with all men. Don't quarrel with anybody. Ne vous querellez avec personne. If somebody is trying to quarrel with you, say me, I'm a man of peace. Si quelqu'un essaie de se quereller avec toi, tu dis oh moi je suis I'm un homme de paix. I'm a man of peace, so you it's okay. Je suis un homme de paix, alors toi ça va. I don't want any problem, so you it's okay. Je ne veux pas de problème, ça I'm va. I'm sorry. Je suis désolé. We don't know how to say I'm sorry. Nous savons pas comment dire je suis désolé. You don't know how to say I'm sorry just nous to ne preserve savons pas peace. Dire je suis désolé juste pour conserver la paix. You want to show that you are right. Nous voulons montrer que nous avons raison. Amen. Amen. I have a feeling that today no. The last one and then we'll continue next week. Le dernier point. I want you to turn to Colossians chapter 1. Colossiens chapitre 1. We are talking about working worthy. Nous parlons de marcher de manière digne. Verse 10. Colossiens 1, 10. Verse 10. Verset 10. The Bible says, so that you will walk in a manner worthy of the Lord. To do what? To do what? In French, what does it say? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. To please him. Pour lui être agréable. To please him. Pour lui être agréable. Amen. Amen. We are walking in a manner that's worthy. Nous marchons d'une manière digne. To please God. Pour lui être agréable. To please God. Pour not lui to être please agréable. Yourself. Pas pour vous faire plaisir not à vous-même. Not to please your relatives. Pas pour faire plaisir not à vos to proches. Please the pastor. Pas pour faire plaisir not aux pasteurs. Not to please the shepherds. Pas pour faire plaisir aux bergers. But to please God. Mais pour faire plaisir à Dieu. That's what I was saying on Sunday. C'est ce que je disais dimanche. That some of you believe that if the pastor doesn't see you, you are okay. Certains d'entre vous pensez que si le pasteur ne m'a pas vu, ça va. If the pastor has not heard, then I'm okay. Si le pasteur n'a pas entendu, I can continue as long as the pastor is not away. Je peux continuer aussi longtemps que le pasteur n'est pas au courant. I can continue as long as the shepherds don't catch me. Je peux continuer aussi longtemps que le berger ne m'attrape pas. The Bible says that we are walking in a manner worthy to please lady pastor, to please bishop, to please your president, to please God. Pour faire plaisir à Dieu. Amen. Amen. We are walking worthy to please God, not to please any human being. Pour être agréable à Dieu. Your walking worthy does not change my status in life. Votre manière de marcher digne ne change pas mon statut dans la vie. So if I'm preaching about walking worthy, it's not because I'll get a benefit from it. Si je parle de marcher dignement, c'est pas parce que j'obtiendrai un bénéfice de cela. If you walk worthy, doesn't mean I'm going to heaven. Si tu marches de manière digne, ça ne signifie pas que j'irai au ciel. If you walk worthy, does not change my salary at the end of the month. Si tu marches de manière digne, ça ne changera pas mon salaire à la fin du mois. Bishop will not come and say, okay, so this month, how many people are walking worthy? L'évêque ne viendra pas dire, okay, ce mois, combien de personnes marchent de manière okay, digne? Okay, I'll give you a bonus. Okay, je te donnerai okay, un bonus. Okay, well done, well done. Okay, bien fait, people, bien fait. Oh, bravo. 10 personnes, bravo. No. Non. Your walking worthy is to please God. Votre marche dans la dignité est pour être agréable à Dieu. Not me. Pas moi. I don't know if you understand that. Je ne sais pas si vous comprenez cela. And I don't know if you understand that whether I see or not does not change the fact that God is pleased or displeased. Je ne sais pas si vous comprenez le fait que je le vois ou pas, ça ne change pas le fait que Dieu ça fait plaisir à Dieu. Amen. Amen. I can be pleased, but God is not pleased. Je peux être satisfaite, mais Dieu n'est pas satisfait. I can be displeased or unhappy, but God is very pleased. Je peux être mécontente, mais Dieu est très satisfait. Your walking worthy is to please God. Votre marche digne, c'est pour faire plaisir à Dieu. So if you are patient, it's not because of me. Si tu es patient, c'est pas à cause de moi. If you are humble, it's not because of me. Si tu es humble, c'est pas à cause de moi. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? If you are tolerant, it's not because of me. Si tu es tolérant, c'est pas pour it's moi. Because you want to please God. C'est parce que tu veux faire plaisir à Dieu. How many people want to please God? Combien d'entre vous veulent faire plaisir à Dieu? So he is the one you have to concentrate on, not me. C'est celui sur qui vous devez vous concentrer, pas moi. Not Lady Pastor, not Pastor Christian. Pas Lady Pastor, pas le révérend Christian. Not the shepherd. Pas les bergers. Not the person sitting next to you. Pas la personne assise à côté Amen. De toi. Amen. You are walking worthy to please God. Tu marches de manière digne pour être agréable It à Dieu. He who has placed a value on your life. C'est lui qui a mis de la valeur sur ta vie. Me, I've not placed any value on your life at all. Moi, je n'ai mis aucune valeur sur ta vie. I'm not ready to pay for you at all. Je ne suis pas prête à payer pour toi du tout. At all. Pas du tout. I am not prepared to give my only begotten son because of you. Je ne suis pas prête à donner mon fils unique pour toi. No. Non. Amen. Amen. So you are walking worthy not because of me to please me, Jeff. It's not me. Oh. Tu ne marches pas de manière digne pour me faire plaisir. Hallelujah. Amen. Your walking worthy doesn't change my life. Le fait que tu marches de manière digne ne change pas ma vie. Pas du tout. So if you are getting angry like this woman, why is she talking so much? Why is she in my business? Why does she want me to stop this? Why does she want to... It's not because it changes my life. Si tu parles beaucoup, ce n'est pas parce que ça change ma vie. Non, c'est pas beaucoup. See what I said. Pourquoi elle s'intéresse à ma vie? Pourquoi elle veut que j'arrête ceci? Pourquoi elle s'ingère dans mes affaires? It's not because I don't have anything to do. C'est pas parce que je n'ai rien à faire. It's not because I'm trying to justify my salary at the end of the month. Ce n'est pas parce que j'essaie de justifier mon salaire à la fin du mois. My salary has nothing to do with the church at all. Mon salaire n'a rien à voir avec l'église. At all. Pas du tout. I'm a full-time pastor. You think that this is why I'm paid? I'm not paid for anything that I'm doing here. Je suis pasteur à plein temps et vous pouvez penser que je suis payé pour ce que je fais ici. Pas du tout. Because not all full-timers are pastors preaching in a church. Parce que tous les pasteurs à plein temps ne prêchent pas dans une église. So this is not really what I'm paid for at all. Ça c'est pas vraiment ce pourquoi je suis payé. J'ai du travail au bureau. Work in an office. That's why sometimes when people want to chat, you don't understand. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, quand vous voulez discuter, vous ne comprenez pas. You don't understand that we are working. Vous ne comprenez pas qu'on travaille. You say one message, two message, three message, four message, and there's no reply. You say, oh, please, please say something, please say something. Tu envoies un message, deux messages, trois messages, je ne réponds pas. Tu dis s'il te plaît, dis quelque chose. I'm working. Je travaille. Do you understand? So if I'm preaching to you and I say walk worthy you. Si je prêche, je te dis de marcher de manière digne. Be humble. Sois be humble, patient. Be sois tolerant. Patient, sois tolérant. It's not because Jesse is going to help me get more money at the end of the month. Ce n'est pas parce que ça va m'aider à obtenir plus d'argent à la fin du mois. Truly, when I finish preaching, quand je finis de prêcher, and I teach, et j'enseigne, and I've said what I have to say, et j'ai dit ce que j'ai à dire, quand je vais à la maison, I don't want to lie, but je ne veux pas mentir. The truth is that I don't think about you. Je ne pense pas à vous. I don't go home and say, oh, I wonder if, hey, do you think Jesse is walking worthy today? No, I've preached. Je ne me soucie pas de vous et je ne me dis pas, oh, est-ce que tu penses que Jesse va marcher de manière digne aujourd'hui? And I have things to do at home. J'ai des choses à faire à la maison. I'm not saying I don't care. Je ne me dis I pas care. Que je m'en fous. I care. Je m'en soucie. It worries me. Ça m'inquiète. But I don't go home and I sit down thinking, oh, so did Grace really receive my message? Je ne vais pas à la maison pour m'asseoir et dire, oh, est-ce que Grace a reçu mon message? Did she really understand? Est-ce qu'elle a vraiment compris? Is she going to walk worthy? Est-ce qu'elle va marcher de manière digne? Hey, I wonder what Grace is doing now. I wonder if she's walking worthy. Je me demande ce que Grace fait en ce moment. Je me demande si elle marche de manière digne. No. I wonder if she's making samosas right now. Oh, je me demande si elle fait les samosas en ce moment. Non. I'm busy trying to put food on the table for my children, my husband. Je suis occupée à mettre de la nourriture sur la table pour mes enfants et mon mari. I'm busy trying to see if my work in the office is finished. Je suis occupée à voir si mon travail au bureau and est all fini. All I'm saying is that when I preach, it's because I believe God wants you to hear the message. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que quand je prêche, je crois que Dieu veut que vous puissiez entendre ce message. And I believe that the Holy Spirit himself will do the rest. Et je crois que le Saint-Esprit fera le reste. But when I'm preaching, I'm praying that you hear and understand. Et quand je prêche, je prie que tu écoutes that is et about que tu your comprennes. Life. Parce que ça concerne ta vie. Not my life. Pas ma vie. Do you understand what I'm saying? It's Est-ce not que my vous comprenez? Life. C'est pas ma vie. She wants to interfere in my life. Elle veut s'ingérer dans ma vie. She wants to tell me what to do. Elle veut me dire ce qu'il faut faire. Yeah, I don't like this church. Moi, je n'aime pas cette église. They said they want to visit, but they just want to see what you are doing. Ils disent qu'ils veulent te rendre visite, ils veulent seulement voir ce que tu fais. And they just want to, and then when they finish seeing it, then they'll go and tell Lady Pastor, and then she'll put it inside the preaching. Quand ils finissent de voir ça, ils vont dire à Lady Pastor et elle va le mettre dans le message. The message is just so that you will walk in a manner that's worthy. Le message to est prêché pour que tu marches de manière digne stars. Afin d'être agréable à Dieu. Stars. Les stars. Hey. Hey. Black stars. Les stars noires. Somebody said, "Have you ever seen a black star before? A star in the sky, then it's black." Est-ce que vous avez déjà vu des étoiles noires Will dans it not le ciel? Be juju? Hallelujah. Hallelujah. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Worthy, oh. To please God, oh. De manière digne pour être agréable à Dieu. I mean, how many places can I be in at once? À combien d'endroits puis-je me retrouver to see whether you're en un seul worthy instant or not. Pour voir si tu marches de manière digne ou pas? No. I'm not even going to give you a test. Je ne vais même pas te mettre à l'épreuve. So when you take the notes, you don't read it. When I come next week, I'll repeat. Quand tu prends des notes et que tu ne lis pas, quand je viens la semaine prochaine, je vais répéter. I'll just repeat and then just continue. Je vais répéter et continuer. He who has ears will hear. Que celui qui a les oreilles entende. And he who wants to change will change. Et que celui qui veut changer change. Amen. Amen. He who has understood will understand. Que celui qui a compris, que celui qui peut comprendre comprendra. Hallelujah. Hallelujah. You are walking worthy to please God. Nous marchons de manière digne pour être agréable à Amen. Dieu. We are all walking worthy to please God. Nous essayons de marcher de manière digne pour faire plaisir Amen. À Dieu. All of us. Nous tous. So as you see me speaking, alors que vous me voyez parler, and you hear me talking, et vous m'entendez parler, don't think that it's about me. Ne vous dites pas qu'il est question I'm not doing de moi. It for me. Je ne le fais pas pour moi. I have nothing, zero, nothing to gain, je n'ai completely. Rien à gagner. by your walking worthy or not. Dans, sur le fait que vous marchiez de manière digne ou pas. I have nothing to lose also by your walking worthy or not. Je n'ai rien à perdre que vous marchiez de manière digne ou pas. But you. Mais toi. You. Toi. You. Toi. And I. Et moi. Have everything to lose or gain. Nous avons tout à perdre ou gagner. Amen. Amen. As individuals. De manière personnelle. Individually. En tant qu'individu. Individually. En tant qu'individu. Prince. Prince. You alone. Toi seul. Will take responsibility for your actions or inactions. Tu prendras des responsabilités sur, pour tes actions for your et decisions. Tes décisions. Whether they please God or not. Rodrigue. Qu'elles soient agréables à Dieu ou pas. Rodrigue. Bertin. Bertin. Le ministre Esta Marina. Le ministre Esta. Yeah. Oui. Individually. Morgan. De manière individuelle. Sandrine, c'est Sandra. Sandrine. Sandrine. Individually. De manière individuelle. Hey. Alléluia. Alléluia. I pray for grace. Je prie pour la grâce. To be able to go all the way with God. Afin que nous soyons capables d'aller jusqu'au bout avec Dieu, jusqu'à la fin. Till he sees us one day and says, oh, well done, well done, well done. Jusqu'à ce qu'il nous voit un jour et qu'il dise bien fait. Good. Bon. And faithful. Et fidèle. Serviteur. Amen. Amen. We are walking worthy. Nous marchons dignement. From today, we are walking worthy. À partir d'aujourd'hui, nous marchons dignement. Worthy to please God. I said worthy to please God. Nous marchons de manière digne pour être our agréable decisions, à Dieu. Nos décisions. Our choices. Nos choix. Our actions. Nos actions. To please God. Pour être agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Our relationships. Nos relations. Our successes. Nos succès. Our failures, nos échecs, everything, toutes choses, our lives, nos to vies, please God. Pour faire I pray plaisir for à Dieu. Grace. Je I prie pray pour la every grâce. Day, I say, God, please, que vous direz tous les jours, Seigneur, s'il te plaît, your grace, ta grâce, your grace, ta grâce. Amen. Amen. And I believe that the more and more that we try, et God je crois will also plus step in. Nous essayons. Dieu va aussi s'y mettre. But if you don't even try, et si, si tu n'essayes même pas, God will just be watching you. Dieu te regardera seulement. And on that day, et ce jour-là, la Bible dit que nous serons jugés selon ce que nous avons fait et ce que nous n'avons pas fait. Amen. Amen. May everybody under the sound of my voice, que toute personne sous le son de ma voix begin a walk. Commence une marche with the Lord avec le Seigneur that is worthy qui est digne of their calling de son appel in Jesus au name. Nom de Jésus. Amen. Amen. To your feet. Levez-vous, s'il vous plaît. We'll try and continue next week. You can close your eyes and fermez just vos thank yeux. The Lord. Rendez grâce à Dieu. Just thank God. Remerciez Dieu. Thank God for His word. Remerciez Dieu pour sa thank parole. God for His mercy. Remerciez Dieu pour sa miséricorde. Thank God for His love. Remerciez Dieu pour son amour. If God didn't love you, He would not speak to you. Si Dieu ne t'aimait pas, il ne te parlerait pas. If God didn't love you, He would not warn you. Si Dieu ne t'aimait pas, il ne t'avertirait pas. Oh Father, I thank you. Thank you for your love. Thank you merci pour ton amour. For your grace and your mercy. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Your mercy which is new every morning. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Father, thank you that your word is true. Merci Père parce que ta parole est vraie. And thank you that your word brings life. Merci parce que ta parole est claire. Thank you that we are therefore now not under condemnation. Merci parce que nous ne sommes plus sous la condamnation. Father, thank you. Merci that your love is able to help us overcome. Parce que ton amour va nous aider à surmonter every difficulty. Toute difficulté. Father, we thank you. Just begin to thank the Lord. Remerciez Dieu. Thank him for his word. Remerciez-le pour sa parole. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, thank you, Lord. Seigneur. Merci, Seigneur. Help us to walk worthy. Aide-nous à marcher dignement. Help us to please you. Aide-nous à te faire plaisir. In our actions. Dans nos actions. Help us to please you. Aide-nous à te faire in plaisir. In our relationships. Dans nos relations. Father, thank you so much. Père, merci. Thank you that we may walk worthy, O God. Oh, puissions-nous marcher de manière to please you, Lord. pour être agréable May à toi. May we walk worthy to please you, Lord. Puissions-nous marcher de manière digne pour t'être Not agréable. Not to please any man. Nous ne voulons pas faire plaisir à un but homme. But to please you, Almighty God. Nous voulons te faire plaisir, Dieu King of kings and Lord of lords. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Elohim, El Shaddai, to please you, to pour please te faire you, plaisir, pour te faire plaisir, to be pleasing you, pour te faire plaisir, to be pleasing you, Lord. That's all we plaisir. Want to do. Est-ce que nous voulons faire? Continue praying. This is all if you don't know the words, I really want to do. To be pleasing you. De faire plaisir. To be pleasing you. De faire plaisir. Pleasing you. This is all I really want to do. To follow and to come to know you. We want our lives to minister healing to those who are hurting, oh God. We want our lives to bring encouragement to those who are lost and confused. Father, to be pleasing you. To be pleasing you, Lord. To please you is all we really want to do. We want to please you, oh God. May you find pleasure, Lord, in the lives of your children. May you find pleasure, O God, in our conversation, in our relationships. May you find pleasure in our worship. Father, we thank you. To be pleasing you is all we want to do. Help us, O God, in Jesus' name. Amen. I want to pray for you tonight. Je veux prier pour toi ce if soir, you are here si tu es ici, and you don't know Jesus as your Lord and Savior, et tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton sauveur, maybe you were invited. Maybe you were invited by peut-être somebody. Tu as été invité par quelqu'un. But as you came in, alors que and tu you es venu, heard the word, tu as entendu la parole, you realized that you don't know Jesus. tu t'es rendu compte que tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tonight I want to give you an opportunity. Ce soir, je vais te donner l'opportunité to invite him into your heart. De l'inviter dans ton cœur. You want to say, Heavenly Father, je veux dire Père Céleste. I want to know you more. Je veux mieux te connaître. I want to have a personal relationship with you. Je veux avoir une relation personnelle avec toi. I recognize that I'm a sinner. Je reconnais que je suis pécheur. If I die today, I don't know if I'm going to heaven or hell. Si je meurs aujourd'hui, je ne sais pas si j'irai au ciel ou en enfer. Tonight, ce soir, I want to give you control of my life. Je veux te donner le contrôle de ma vie. I want to be born again. Je veux être né de nouveau. I want you to forgive me. Je veux que tu me pardonnes all my sins. Tous mes péchés. I want you to wash me and cleanse me. Je veux que tu me laves et que Lord Jesus, come into my heart. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Come into my heart, Lord Jesus. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. So that my name will be written in the book of life. Afin que mon nom soit écrit dans le livre de vie. If you are here like that, si tu es ici comme ça, and you want to pray that prayer, si tu veux faire cette prière, you want to give your life to Jesus Christ. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. You want to walk out of this place a child of God. Tu veux partir de cet endroit en tant qu'enfant de Dieu. Lift up your hand. I want to pray with you. Lève ta main. Je veux prier pour Just toi. Lift up your hand. Lève ta main. You have never taken this decision before. Tu n'as jamais pris cette décision. And you want to take it tonight. Et tu veux la prendre ce soir. Just lift up your hands. I want to pray with you. Lève ta main. Je veux prier Don't pour toi. Don't be shy. Don't be embarrassed. Ne sois pas embarrassé. I want to pray with you myself. Je veux prier avec toi moi-même. Please lift up your hand. S'il te plaît, lève ta main. If your hand is lifted, can you come si to me? Si ta main est levée, est-ce que tu peux venir vers moi? Please come. I want to pray for you. S'il te plaît, viens, je veux prier pour toi. Is there any hand lifted? Y a-t-il une main levée? Somebody coming? Y a-t-il quelqu'un qui vient? Hallelujah. Alléluia. God bless you. You want to give your life to Jesus? Come. Tu veux donner ta vie à Jésus? Viens. Please come. I want to pray for you. Viens, je veux prier pour toi. Don't be shy. N'aie pas honte. Don't be ashamed. N'aie pas honte. We all took this decision some time ago. Nous avons tous pris cette décision un jour. Tonight is your night. Ce soir, c'est ta nuit. Okay, my sister, please come to me. Ma sœur, viens vers moi. And let's pray together. Prions ensemble. All of you, I want you to join in. Joignez-vous à nous. All right, just repeat this prayer after me. I'll pray in French. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour ce soir. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me rends compte, Seigneur, que je ne te connais pas. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens régner dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes mes erreurs, pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. Lave-moi et purifie-moi de tous mes péchés. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir et je vais te suivre. Satan, écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. Je renonce à tout lien que j'ai tissé avec toi, consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, je prends une décision de donner ma vie à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton salut. Merci pour ton amour. Et merci pour ton pardon. Je t'aime Seigneur. Et merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.